J'ai la tête dans les nuages, même quand mes deux pieds touchent terre. Comme si j'avais plus le courage de mettre en ordre toutes mes affaires. J'ai souvent l'impression bizarre d'être loin des réalités, de faire trop confiance au hasard, au vent qui veut bien m'emporter. J'ai bien trop faim pour avoir peur, pour reculer devant ce qui fait mal. J'ai pas le temps de regarder l'heure, pas le temps de lire le journal.